BBC Paris, Radiodiffusion française, programme national. Nous vous mettons en communication avec la Comédie française. Radiodiffusion française présente la transmission du spectacle classique de la Comédie française, Salle du Luxembourg. Les acteurs de bonne foi. Comédie en un acte de Marivaux. En voici la distribution. Le notaire, M. Marco Béat, Merlin, Jean Piat, Araminte, Mme Irène Brillon, Mme Hamelin, Maria Fromet, Lisette, Hélène Bellanger, Mme Argante, Suzanne Nivette, Lucille, Denise Pezzani, Blaise, M. Jean-Louis Le Goff, Eraste, Calvé, Colette, Mademoiselle Delmas, élève du conservatoire. Présentation de Émile Mars. Le programme de cette matinée comprend deux pièces d'inégale valeur. Un chef-d'œuvre de Molière, Les femmes savantes, un aimable petit acte de Marivaux, Les acteurs de bonne foi. La comédie que vous allez entendre au début de cette matinée, Les acteurs de bonne foi, est inconnue du plus grand nombre. Elle ne figure pas dans les différents recueils des pièces choisies de Marivaux et nous ne connaissons pas de façon certaine la date de sa création. Certains éditeurs du théâtre complet de Marivaux fixaient cette date au 16 septembre 1755 à la Comédie française. Mais Gustave Laroumet, dans son remarquable livre « Marivaux, sa vie et son œuvre », qui fait autorité en la matière, constate que, ce soir-là, les comédiens français faisaient relâche. D'autre part, Joannides, qui a compulsé avec le soin le plus minutieux les registres de la comédie pour l'établissement de son dictionnaire des pièces représentées de 1680 à 1900, n'a trouvé aucune trace des acteurs de bonne foi. En 1881, Georges Monval, l'érudit archiviste de la comédie française, avait posé la question dans l'intermédiaire des chercheurs et elle resta sans réponse. S'il s'en trouve aujourd'hui parmi mes auditeurs possédant quelques renseignements sur ce sujet, je leur serais reconnaissant de m'en informer. Ils emporteraient ainsi une utile contribution à l'histoire de notre théâtre. Un seul point demeure précis, la première publication des acteurs de bonne foi dans le Conservateur de novembre 1757. C'est d'ailleurs un simple divertissement. De nombreux critiques ont reproché à Marivaux d'avoir traité le même sujet, écrit la même pièce sous différents titres. C'est toujours l'étude, l'analyse de l'amour naissant dans les cœurs, son évolution lente, suivant les petits sentiers, pour arriver à un dénouement toujours heureux. Ici, rien de pareil. Madame Hamelin a la fantaisie de faire jouer une comédie impromptue le jour des fiançailles de son neveu Eraste, dans le salon de la future belle-mère, Madame Argante. Elle a chargé un valet, bel esprit, Merlin, de la réalisation de son projet. Merlin s'attribue d'abord le premier rôle, recrute ses partenaires dans son entourage, leur indique le canevas et nous assistons à une répétition où ces acteurs improvisés s'embrouillent, mêlent leurs réflexions personnelles aux répliques de la comédie. Un moment, le mariage d'Eraste semble compromis, mais vous n'en doutez pas, les choses s'arrangent à la satisfaction générale. Sur les 30 pièces écrites par Marivaux, 10 seulement ont été représentés à la Comédie française de son vivant. Ses deux meilleurs, Les fausses confidences et Le jeu de l'amour et du hasard, sont entrés au répertoire de la maison, la première en 1793, la seconde en 1802. De nos jours, Marivaux s'est haussé au tout premier rang chez les comédiens français qui, depuis 1942, célèbrent le 4 février l'anniversaire de sa naissance, ce qui eut bien surpris ses contemporains et plus encore, les critiques du 19e siècle, si nous exceptons Sainte-Beuve et Jules Janin. Les acteurs de bonne foi, qui vont être représentés pour la première fois à la Comédie française ce jeudi 30 octobre 1947, n'ajoutent certes rien à la gloire de l'auteur du jeu de l'amour et du hasard. Eraste dit à Merlin, « Fais-nous rire, on ne t'en demande pas davantage. » Marivaux, j'en suis sûr, n'avait pas d'autre désir. Je veux croire que la représentation de ce jour prouvera qu'il a réussi. Les commentaires vous seront dits par René Rouzeau. Mesdames, Messieurs, le rideau va se lever sur le décor unique de la pièce en un acte de Marivaux, Les acteurs de bonne foi. Un parc, deux bancs, l'un à gauche, l'autre à droite. Un perron dans le fond. En scène, Merlin et Eraste. Puis nous verrons Lisette, Blaise et Colette. Oui, monsieur, tout sera prêt. Vous n'avez qu'à tout mettre en état. À 3h après-midi, je vous garantis que je vous donnerai la comédie. Tu feras grand plaisir à Madame Hamelin qui l'attend avec impatience. Et de mon côté, je suis ravi de lui procurer ce petit divertissement. Je lui dois bien des attentions, tu vois ce qu'elle fait pour moi. Je ne suis que son neveu et elle me donne tout son bien pour me marier avec Angélique que j'aime. Pourrait-elle me traiter mieux quand je serai son fils? Alors, il faut en convenir, c'est la meilleure tante du monde. Et vous avez raison, il n'y aurait pas plus de profit à l'avoir pour mère. Mais dis-moi, cette comédie dont tu nous régales, est-elle divertissante? Tu as de l'esprit, mais en as-tu assez pour avoir fait quelque chose de passable? De passable, monsieur? Non, il n'est pas de mon ressort. Les génies comme le mien ne connaissent pas le médiocre. Tout ce qu'ils font est charmant ou détestable. J'excelle, je tombe, il n'y a jamais de milieu. Ton génie me fait trembler. Vous craignez que je ne tombe, mais rassurez-vous. Avez-vous jamais acheté le recueil des chansons du Pont-Neuf? Tout ce que vous y trouverez de beau et de moi. Il y a surtout une demi-douzaine d'anacréontiques qui sont d'un goût... D'anacréontiques? Oui. Oh, puisque tu connais ce mot-là, tu es habile et je ne méfie plus de toi. Mais... prends garde que Madame Ardente ne sache notre projet. Madame Hamelin veut la surprendre. Oh, Lisette, qui est des nôtres, a sans doute gardé le secret. Mademoiselle Angélique, votre futur n'aura rien dit. De votre côté, vous vous êtes tue. J'ai été discret. Mes acteurs sont payés pour se taire. Et nous surprendrons, monsieur, nous surprendrons. Et qui sont tes acteurs? Moi d'abord. Je me nomme le premier pour vous inspirer de la confiance. Ensuite, Lisette, femme de chambre de Mademoiselle Angélique et suivante originale. Blaise, fils du fermier de Madame Argante, et Colette, amante du dit fils du fermier et fille du jardinier. Mais c'est la promesse de quoi rire. Ça tiendra parole, j'y ai mis bon ordre. Si vous saviez le coup d'art qu'il y a dans ma pièce... Dis-moi ce que c'est. Nous jouerons à l'impromptu, monsieur, à l'impromptu. À l'impromptu? Que veux-tu dire à l'impromptu? Oui, je n'ai fourni que ce que nous autres beaux esprits appelons le canevas. La simple nature fournira les dialogues, mais cette nature-là sera bouffonne. Oh, la plaisante espèce de comédie. On pourra pourtant nous amuser. Vous verrez, vous verrez. J'oublie encore à vous dire une finesse de ma pièce. C'est que Colette doit faire mon amoureuse et moi je dois faire son amant. Nous sommes convenus tous deux de voir un peu la mine que prend Lisette et Blaise à toutes les tendresses naïves que nous prétendons nous dire. Et le tout pour éprouver s'ils n'en seront pas un peu alarmés et jaloux. Car vous savez que Blaise doit épouser Colette et que l'amour nous destine Lisette et moi l'un à l'autre. Mais Lisette, Blaise et Colette vont venir ici pour essayer leur scène. Sont les principaux acteurs, j'ai voulu voir un peu comment ils s'y prendront. Laissez-moi les écouter et les instruire. Et retirez-vous les voilà qui ont. Oh, adieu! Fais-nous rire, on ne t'en demande pas davantage! Alors, mes enfants, je vous attendais. Montrez-moi un échantillon de votre savoir-faire et tâchons de gagner notre argent le mieux que nous pourrons. Répétons. Ce que j'aime de ta comédie, c'est que nous la donnerons à nous-mêmes, car je pense que nous allons tenir de jolis propos. De très jolis propos. Car dans le plan de ma pièce, vous ne sortez point de votre caractère, vous autres. Toi, tu joues une maligne souvrette à qui l'on en fait point à croire, et te voilà. Blaise a l'air d'un ligot pris sans verre et il en fait le rôle. Hein? Une petite coquette de village et Colette, c'est la même chose. Un joli homme et moi, c'est tout un. Un joli homme est inconstant. Une coquette n'est pas fidèle. Colette trahit Blaise. Je néglige ta flamme. Blaise est un sot qui en pleure. Tu es une diablesse qui t'en met en fureur et voilà ma pièce. Oh, oh, je défie qu'on arrange mieux les choses. Oui, mais si ce que j'allons jouer allait être vrai... Prenez garde au moins, il ne faut pas du tout bon car j'aime Colette, dame. Oh, merveille, Blaise, je te demande, c'est ton nigaud là dans la pièce. Écoutez, monsieur le joli homme, il a raison, que ceci ne passe point la raillerie, car je ne suis pas endurante, je vous en avertis. Fort bien, Lisette, il y a un aigre doux dans ce ton-là qu'il faut conserver. Allez, allez, mademoiselle Lisette, il n'y a rien à appréhender pour vous car vous êtes plus jolie que moi. Monsieur Merlin, c'est bien. Courage, Pliphone, vous y êtes, c'est dans ce goût-là qu'il faut jouer votre rôle. Allez, commençons à répéter. C'est à nous deux à commencer. Oui, nous faisons la première scène. Vous mettez-vous là et nous débutons. Tu es au fait, Lisette, hein? Tu arrives sur le théâtre et tu me trouves rêveur et distrait. Recule-toi un peu pour me laisser prendre ma contenance. Qu'avez-vous donc, monsieur Merlin? Vous voilà bien pensif. C'est que je me promène. Et votre façon, en vous promenant, est-elle de ne pas regardez les gens qui vous abordent. C'est que je suis distrait dans mes promenades. Qu'est-ce que c'est que ce langage-là? Il me paraît bien impertinent. Oh, bah doucement, Lisette, tu me dis des injures au commencement de la scène. Par où la finiras-tu? Oh, ne t'attends pas à des régularités. Je dis ce qui me vient. Continuons. Où en sommes-nous? Je traitais ton langage d'impertinent. Tiens, tu es de méchante humeur. Passons notre chemin, ne nous parlons pas davantage. Attendez-vous ici, Colette, monsieur Merlin. Cette question-là nous présage une querelle. Tu n'en es pas encore où tu penses. Je me contente de savoir que j'en suis où me voilà. Je sais bien que je t'ennuie, que tu me fuis depuis quelques jours. Vous êtes si savante qu'il n'y a pas moyen de vous instruire. Comment, Tacquin? Tu ne prends pas seulement la peine de te défendre de ce que je dis là? Je n'aime à contredire personne. Tiens ça, parle. Avoue-moi que Colette te plaît. Pourquoi veux-tu qu'elle me déplaise? Avoue que tu l'aimes. Je ne fais jamais de confidence. Oh, je n'ai pas besoin que tu m'en fasses. Ne m'en demande donc pas. Me quitter pour une petite villageoise. Je ne te quitte pas, jeune bouge. Oui, mais est-ce du jeu de me dire des injures en mon absence? Mais sans doute, ne voyez-vous pas bien que c'est une fille jalouse qui vous méprise? Eh bien, quand ce sera à moi à dire, je prendrai ma revanche. Oh, et moi, je ne sais plus où j'en suis. Mais c'est une querellée. Hé, hey, dis-moi, dans cette scène-là, puis-je te battre? Oui, comme tu n'es qu'une suivante, un coup de poing ne gâtera rien. Reprenons donc, afin que je te le place. Non, gardons le coup de poing pour la représentation. Supposons qu'il est donné, ce serait un double emploi qui est inutile. Je crois aussi que je peux pleurer dans mon chagrin. Oh, sans difficulté, n'y manque pas, mon mérite et ta vanité le veulent. Oh, ton mérite qu'il veut me fait rire. Oh, que je suis à plaindre d'avoir été sensible aux cajoleries de ce fourbe-là. Adieu, voici ta petite impertinente qui entre, mais laisse-moi faire. Hé, serait-il si mal de la battre un peu? Non, pas s'il vous plaît. Je ne veux pas que l'écho en soit. Je n'ai point à faire d'être battue pour une farce. Encore si c'était vrai, j'en doute. Oh, voyez-vous la fine mouche? Ouais, ben, perdons point de temps à nous interrompre. Va-t'en, Lisette. Voici Colette qui entre. Pendant que tu sors, tu n'as plus que faire ici. Continuons. Reculez-vous un peu, Colette, afin que j'aille au-devant de vous. Bonjour, ma belle enfant. Je suis bien sûr que ce n'est pas moi que vous cherchez. Non, monsieur Merlin. Mais ça n'y fait rien. Je suis bien aise de vous y trouver. Et moi, je suis charmée de vous rencontrer, Colette. Pas bien obligeant. Ne vous êtes-vous pas aperçue du plaisir que j'ai à vous voir? Oui, mais je n'ose pas bonnement m'apercevoir de ce plaisir-là, à cause que j'y en prendrai trop de mon côté. Mais doucement, Colette, il n'est pas décent de vous déclarer si vite. Madame, comme il faut avoir de l'amitié pour vous dans cette affaire-là. Et j'ai cru qu'il y avait point de temps. Non, mais attendez que je me déclare tout à fait, moi. Voyons les faits comme elle se presse, on dirait qu'elle y va de bon jeu. Je crois que c'est Manon Pignon. Je n'aime pas trop cette saillie-là non plus. Parce qu'elle ne sait pas mieux faire. Oui, et ben, Bella m'a pensé tout en dessous. Puisqu'il me blâme, je suis trop timide pour aller en avant s'il ne s'en vont pas. Bon, eh ben éloignez-vous donc pour l'encourager. Ah non, Marguerite, je veux pas te donner de courage, moi, je vais tout entendre. Il est vrai, mamie, que vous êtes plaisante de vouloir que nous nous en allions. Pourquoi aussi me chicanez-vous? Et pourquoi tu as-tu tant d'être amoureuse de M. Merlin? Et est-ce que tu en sens de l'amour? Mais vraiment, je suis bien obligée d'en sentir, puisque je suis obligée d'en prendre dans la comédie. Comment voulez-vous que je fasse autrement? Comment? Vous aimez réellement Merlin? Il faut bien, puisque c'est mon devoir. Mais Blaise et toi, vous êtes de grands innocents, tous deux, ne voyez-vous pas bien qu'elle s'explique mal? Ce n'est pas qu'elle m'aime toute bon. Elle veut dire seulement qu'elle doit faire semblant de m'aimer, n'est-ce pas, Colette? Comme vous voudrez, monsieur Merlin. Bon, poursuivons. Et attendez que je me déclare tout à fait pour vous montrer sensible à mon amour. J'attendrai, monsieur Merlin. Faites vite. Que vous êtes aimable, Colette, et que j'envie le sort de Blaise qui doit être votre mari. Oh, est-ce que vous m'aimez, monsieur Merlin? Il y a plus de 8 jours que je cherche à vous le dire. Que dommage, car nous accorderions bien tous deux. Et pourquoi, Colette? C'est que si vous m'aimez, dame, dirais-je. Sans doute. C'est que si vous m'aimez, c'est bien fait, car il n'y a rien de perdu. Quoi, chère Colette? Votre cœur vous dit quelque chose pour moi? Oh, il ne me dit pas quelque chose, il me dit tout à fait. Que vous me charmez, belle enfant. Donnez-moi votre jolie main. Que je vous en remercie. Je défends les mains. Faut pourtant que j'en aime. Oui, mais il n'est pas nécessaire qu'il les baise. Mais entre amants, les mains d'une maîtresse sont toujours de la conversation. Ne permettez pas que j'en sois, mademoiselle Lisette. Bon, ben, ne vous fâchez pas, il n'y a qu'à supprimer cet endroit-là. Ce n'est que des mains, vous. Oui, je me contenterai de lui tirer la main dans la mienne. Il ne faut pas manier non plus. N'est-ce pas, mademoiselle Lisette? C'est le mieux. Mais il n'y aura point assez de vivre dans cette scène-là. Je cite votre avis, monsieur Merlin. Et je n'empêche pas les mains, moi. Alors, puisqu'on les trouve de trop, laissons-les et revenons. Vous m'aimez donc, Colette. Et cependant, vous allez épouser Blaise. Vraiment, ça me fâche assez. Car c'est pas moi qui le prends. C'est mon père et ma mère qui me le parlent. Nous l'allons pas chausser. Tais-toi donc, tout ceci est de la scène, tu le sais bien. Mais c'est que je m'engageais que c'est vrai. Mais non, te dis-je, enfin, il faut ou quitter notre projet ou le suivre. La récompense que Madame Hamelin nous promet vaut bien la peine que nous la gagnions. Je suis fâché d'avoir imaginé ce plan-là, mais je n'ai pas le temps d'en imaginer un autre. Poursuivons. Je le trouve bien joli, moi. Je ne dis mot, mais je n'en pense pas moins. Quoi qu'il en soit, allons notre chemin pour ne pas risquer notre argent. Vous ne vous souciez donc pas de Blaise, Colette, puisqu'il n'y a que vos parents qui veulent que vous l'épousiez. Non, mais ne me reviens point. Et si je pouvais, par que manigance m'empêchait de l'avoir pour mon homme, je serais bientôt quitte de lit, car il est si sot. Vive une ville comédie ! Paix donc ! Vous n'avez qu'à dire à vos parents que vous ne l'aimez plus. Je l'ai bien dit à lui-même, et tout ça n'y fait rien. C'est la vérité qu'elle me l'a dit. Mais, monsieur Merlin, si vous me demandiez en mariage, peut-être que vous m'auriez. Seriez-vous fâché de m'avoir pour femme ? Mais j'en serais ravi. Mais il faut s'y prendre droitement, à cause de Lisette, dont la méchanceté nous nuirait et romprait nos mesures. Si elle n'était pas ici, je verrions comme nous y prendre. Ça n'est pas par mes qu'elle nous écoute. Que signifie donc ce que j'entends là ? Car enfin voilà un discours qui ne peut entrer dans la représentation de votre scène, puisque je ne serai pas présente quand vous la jouerez. Tu n'y seras pas, il est vrai, mais tu es actuellement devant ses yeux. Et par méprise, elle se règle là-dessus. Enfin, n'as-tu jamais entendu parler d'un axiome qui dit que l'objet présent émeut la puissance ? Voilà pourquoi elle s'y trompe. Si tu avais étudié, ça ne t'étonnerait pas. À toi à présent, Blaise. Blaise ! C'est toi qui entres ici et qui viens nous interrompre. Eh bien, recule-toi à quatre pas pour fin que tu arrives. Moi qui t'aperçois venir, je dis à Colette, voici Blaise qui arrive, ma chère Colette, remettons l'entretien à une autre fois. Et vous, éloignez-vous. J'ai... Non. Je suis tout perturbé, moi. Je ne sais que dire. Mais tu rencontres Colette sur ton chemin et tu lui demandes avec qui elle sort. D'où viens-tu donc, Colette ? Eh, je viens d'où j'étais. Comme tu me le dois. Oh, dame, accommode-toi. Prends ou laisse. Adieu. C'est à cette heure-ci à moi que tu as affaire. Tenez, monsieur Merlin, je ne saurais aujourd'hui que vous m'escamotiez ma maîtresse. Tenez, monsieur Merlin. Est-ce comme cela qu'on commence une scène ? Dans mes instructions, je t'ai dit de me demander quel était mon entretien avec Colette. Eh, Fargué, ne sais-je pas puisque j'y étais. Mais souviens-toi donc que tu n'étais pas censé y être. Eh bien, Colette était donc avec vous, monsieur Merlin ? Oui, nous ne faisions que de nous rencontrer. Oh, dis pourtant que vous en êtes amoureux, monsieur Merlin. Et ça me chagrine, entendez-vous ? Car elle sera mon accordée de mardi en 8. Oh, ça vous interrompt, ça remis de mardi en 15. D'ici à ce temps-là, tu vas revenir. N'importe, cet erreur-là n'est difficile aucune conséquence. Qui est-ce qui t'a dit, Blaise, que j'aime Colette ? C'est vous qui le disiez tout à l'heure. Mais prends donc garde, souviens-toi encore une fois que tu n'y étais pas. Eh bien, c'est Lisette qui me l'a appris et qui vous donne aussi beaucoup de blâme de cette affaire-là. Il a voilà pour confirmer mon dire. Va, va, j'en dirai mon sentiment après la comédie. Nous ne ferons jamais rien de cet oiseau-là, il nous aurait perdu les objets de vue. Continuez, continuez. Dans la représentation, il ne la verra pas et ça le corrigera. Quand un homme perd sa maîtresse, il lui est bien permis d'être distrait, monsieur Merlin. Cette comédie-là, n'est faite que pour vous planter là, mademoiselle Lisette. Eh bien, plante-moi là et tout, toi, Nicodème. Morgué, ce n'est pas comme ça qu'on en use avec un fiancé de la semaine qui vient. Et moi, je te dis que tu ne seras mon fiancé dans qu'une semaine. Adieu, ma comédie, on m'avait promis 10 pistoles pour la faire jouer. Ce poltron-là me les vole comme s'il me les prenait dans ma poche. Et pardon, monsieur Merlin. Mais la main du tête à main, parce que vous avez de l'amitié pour moi et que je vous trouve agréable. Eh bien, oui, je lui plais. Nous plaisons tous deux. Il est garçon, je suis fille. Il est à marier, moi et tout. Il voulait de mademoiselle Lisette, il n'en veut plus. Non. Il la quitte, je te quitte. Il me prend. Je le prends. Quand est-ce qu'il vous autres ? Il n'y a que patience à prendre. La défiançaille ! Oh, tu te tais donc, courbe ! Tiens, voilà le corps que je fais du plan de ta comédie. Tu mériterais d'être traité de mère ! Mais mes enfants, gagnons d'abord notre argent et puis nous finirons nos dépenses. C'est bien dit, je nous querellerons après. C'est la même chose. Oui, vous êtes petite impertinente. Vous êtes jalouse, comme elle est mal à pour. Père, donc ! Je crois que je vais mieux qu'elle. Cette petite paysanne ne m'échauffe pas les oreilles. Mais voyez, je vous prie, cette glorieuse avec sa face de chambrière. Mais le bruit que vous faites ici va amasser tout le monde. Tiens, voilà déjà madame Argante qui accourt, je pense. Oh, adieu, courbe ! L'épithète de folle m'acquittera, s'il te plaît, de cette fourbe. Je m'en vais tout plein d'un ballon de la vache. Je te verrai tantôt, monsieur Merlin, n'est-ce pas ? Oui, Colette, et cela va à merveille, ces gens-là nous aiment. Mais continuons encore de feindre. Tant que vous voudrez, il n'y a pas de danger puisqu'il nous aime tant. Qu'est-ce que c'est donc le bruit que j'entends ? Attends, qui criais-tu tout à l'heure ? Rien, c'est Lisette et Blaise qui sortent d'ici avec Colette, madame. Eh bien, est-ce qu'ils avaient querelle ensemble ? Je veux savoir ce que c'est. C'est qu'il s'agissait d'un petit dessin que nous avions, d'une petite idée qui nous était venue, et nous avions de la peine à faire un ensemble qui s'accorde. Monsieur vous dira ce que c'est. Oh, madame, il s'agit d'une bagatelle que vous saurez tantôt. Et pour comment faire mystère à présent ? Puisqu'il faut vous le dire, c'est une petite pièce dont il est question. Une pièce de quoi ? C'est madame une... comédie. Et nous vous ménagions le plaisir de la surprise. Et moi, j'avais promis à Madame Hamelin et à Eraste de ne vous en point parler, ma mère. Une comédie? Oui, une comédie dont je suis l'auteur, cela promet. Et pourquoi s'y battre? Ah, on ne s'y bat pas, madame. La bataille que vous avez entendue tout à l'heure n'était qu'un entracte. Mes acteurs se sont brouillés dans l'intervalle de l'action. C'est la discorde qui est entrée dans la troupe et il n'y a rien là que de fort ordinaire. Ils voulaient sauter du brodequin au cothurne. Mais je vais tâcher de les ramener à des dispositions moins tragiques. Non, laissons là tes dispositions moins tragiques et supprimons ce divertissement-là. Eraste, vous n'y avez pas songé. La comédie chez une femme de mon âge, mais ce serait ridicule. Mais c'est la chose du monde la plus innocente, madame. D'ailleurs, madame Hamelin, ça faisait une joie de l'avoir exécutée. Oui, c'est elle qui la paie pour nous mettre en état. Et moi qui vous parle, j'ai déjà reçu des arts. Ma marchandise est vendue, il faut que je la livre. Vous ne seriez en conscience rompre un marché conclu, madame. Il faudrait que je restituasse. Et j'ai pris des engagements qui ne me le permettent plus. Ne te mets point en peine, je vous dédommagerai vous autres. Ah bah, sans compter 12 sous qu'il m'en coûte pour un moucheur de chandelles que j'ai arrêté. 3 bouteilles de vin que j'ai avancées aux ménétriers du village pour former mon orchestre. 4 que j'ai donné parole de boire avec eux immédiatement après la représentation. Une demi-main de papier que j'ai barbouillé pour mettre mon canevas bien honnête. Tu n'y perdras rien, te dis-je. Voici Madame Hamelin et vous allez voir quelle sera de mon avis. Vous ne devineriez pas, madame, ce que ces jeunes gens nous préparaient. Une comédie de la façon de Monsieur Merlin. Ils m'ont dit que vous le saviez, mais je suis bien sûre que non. C'est moi à qui l'idée en est venue. À vous, madame? Oui, vous saurez que j'aime à rire. Et vous verrez que ça nous divertira. Mais j'avais expressément défendu que l'on vous le dise. Je l'ai appris par le bruit qu'on faisait ici. Mais j'ai une grâce à vous demander, madame. C'est que vous ayez la bonté d'abandonner le projet à cause de moi, dont l'âge et le caractère. Ah, bien. Très bien, très bien, madame. Voilà qui est fini. Ne vous alarmez point, en effet. Il n'en est plus question. Je vous en rends mille grâces et je vous avoue que j'en craignais l'exécution. Je suis fâchée de l'inquiétude que vous en avez prise. Je vais rejoindre la compagnie avec ma fille. N'y venez-vous pas? Dans un moment. Madame Hamelin n'est pas contente, ma mère. Taisez-vous. Adieu, madame. Venez donc nous retrouver. Oui, oui, oui. Eraste, quand vous aurez venu, madame Argante, venez me parler. Sur le champ, madame. J'en serais donc réduit à l'impression? Quel dommage. Vous avez pourtant beau dire, madame Argante. J'ai voulu rire et je rirai. Bonjour, Merlin. Eh bien, ma chère, où en est notre comédie? Va-t-on la jouer? Hélas, non, Madame Argand veut qu'on rende l'argent à la porte. Comment? Elle s'oppose à ce qu'on joue cette pièce? Sans doute. On la jouera pourtant. Ou celle-là, ou une autre. Tout ce qui arrivera de ceci, c'est qu'au lieu de la lui donner, il faudra qu'elle me la donne. Et qu'elle la joue. Et je vous prie de m'y aider. Il sera curieux de m'avoir monté sur le théâtre. Quant à moi, je ne suis bonne qu'à me tenir dans ma loge. Écoutez-moi. Je vais feindre d'être si rebutée du peu de complaisance qu'on a pour moi que je paraîtrai renoncer au mariage de mon neveu avec Angélique. Votre neveu est en effet un si grand parti pour elle. Que la mère n'avait osé espérer que je consentisse. J'usais de la peur qu'elle aura et des démarches qu'elle va faire. Jouera-t-elle bien son rôle? D'après nature. Mon neveu et sa maîtresse seront-ils de leur côté de bons acteurs, à votre avis? Car ils ne sauront pas que je me divertis, non plus que le reste des acteurs. Oh, cela sera plaisant. Mais il n'y a que mon rôle qui m'embarrasse. En quoi puis-je vous être bonne? Vous avez 3 fois plus de bien qu'Angélique. Vous êtes veuve et encore jeune. Vous m'avez fait confidente de votre inclination pour mon neveu. Tout est dit. Vous n'avez qu'à vous conformer à ce que je vais faire. Mais voici mon neveu et nous en sommes à la première scène. Êtes-vous prête? Oui. Vous m'avez ordonné de revenir, madame. Que me voulez-vous? La compagnie vous attend. Qu'elle m'attende, mon neveu. Je ne suis pas prêt de la rejoindre. Vous me paraissez bien sérieuse, madame. De quoi s'agit-il? Eraste, que pensez-vous de madame? Moi, ma tante, mais ce que tout le monde en pense, que madame est fort aimable. La réponse est flatteuse. Mais elle est toute simple. Mon neveu, son cœur et sa main joints à 30 000 livres de rente ne valent-ils pas bien qu'on s'attache à elle? Y a-t-il quelqu'un à qui il soit besoin de persuader cette vérité-là? Je suis charmée de vous en voir si persuadée vous-même. Mais à propos de quoi, madame, en êtes-vous si charmée? C'est que je trouve à propos de vous marier avec elle. Moi, ma tante? Vous plaisantez? Et je suis sûr que madame ne serait pas de cet avis-là. C'est pourtant elle qui me le propose. De m'épouser? Vous, madame? Mais pourquoi non, Eraste? Cela me paraîtrait assez convenable. Qu'en dites-vous? Ce qui l'en dit. En êtes-vous en peine? Mais pourtant, il ne répond rien. Mais c'est d'étonnement. Et de joie, n'est-ce pas, mon neveu? Madame, on n'épouse pas 2 femmes. Et où en prenez-vous 2? Et on ne vous parle que de madame. Sans doute, et vous aurez la bonté de n'épouser que moi, assurément. Mais madame, vous méritez un cœur tout entier. Vous savez que j'adore Angélique, qu'il m'est impossible d'aimer ailleurs. Impossible, Eraste, impossible. Oh, puisque vous le prenez sur ce ton-là, vous m'aimerez, s'il vous plaît. Je ne m'y attends pas, madame. Mais vous m'aimerez, vous dis-je. On m'a promis votre cœur et j'entends qu'on me le tienne. Je crois que d'en offrir 200 000 écus, c'est le payer ce qu'il vaut et qu'il y en a peu de ce prix-là. Angélique estimerait l'avantage. Qu'elle l'estime ce qu'elle voudra, j'ai garanti que madame l'aurait, il faut qu'elle l'ait. Et que vous dégagiez ma parole. Madame, voulez-vous me désespérer? Comment donc vous désespérer? Laissez-le dire. Courage, mon neveu. Courage. Oh, juste ciel. Je viens vous chercher, madame, puisque vous ne venez pas. Mais que vois-je? Eraste soupire. Ses yeux sont mouillés de larmes, il paraît désolé. Que lui est-il donc arrivé? Rien que de fort heureux quand il sera raisonnable. Au reste, madame, j'allais vous informer que nous sommes sur notre départ. Aramath, mon neveu et moi, n'auriez-vous rien à mander à Paris? À Paris? Quoi? Est-ce que vous y allez, madame? Dans une heure. Vous plaisantez, madame? Et ce mariage? Je pense que le mieux est de le laisser là. Le peu de goût que vous avez marqué pour ce petit divertissement qui me flattait m'a fait faire quelques réflexions. Vous êtes trop sérieuse pour moi. J'aime la joie innocente, elle vous déplaît. Notre projet était de demeurer ensemble. Nous pourrions ne nous pas convenir. N'allons pas plus loin. Comment une comédie de moire offrait un mariage, madame? Et qu'on la joue, madame, qu'à cela ne tienne. Et si ce n'est pas assez qu'on y joigne l'opéra, la foire, les marionnettes et tout ce que vous plaira jusqu'au parade. Non, le parti que je prends vous dispensera de cet embarras-là. Nous n'en serons pas moins bonnes amies, s'il vous plaît. Mais je viens de m'engager avec Aramath et d'arrêter que mon neveu l'épousera. Aramath, à votre neveu, madame? Votre neveu a épousé Aramath? Quoi, ce jeune homme? Que voulez-vous? Je suis la mariée aussi bien qu'Angélique. Eraste y consentit? Vous voyez mon trouble? Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce là tout ce que vous répondez? Emmenez-moi, ma mère, retirons-nous, nous nous trahirons. Moi, vous trahir, Angélique, moi, qui ne vis que pour vous. Songez-vous, Eraste, de parler d'amour à une autre devant madame que je vous destine. Mais en vérité, tout ceci n'est qu'un rêve. Nous sommes tous bien éveillés, je pense. Mais tant pis, madame, tant pis. Il n'y a qu'un rêve qui puisse rendre ceci pardonnable. Absolument qu'un rêve que la représentation de votre misérable comédie va dissiper. Allons vite, considérez. On dit que la pièce est un impromptu. Je veux y jouer moi-même. Comptage de mimer dans les grands rôles. Je vous en dis tous, et vous aussi, ma fille. Laissons-les, ma mère, c'est tout ce qui nous reste à faire. Je ne serai pas une grande actrice. Je n'en serai que plus réjouissante. Vous joueriez à merveille, madame, et votre vivacité en est une preuve. Mais je ferai scrupule d'abaisser votre gravité jusque-là. Que ça ne vous inquiète pas, madame. C'est Merlin qui est l'auteur de la pièce. Je ne vois justement qui pas, je vais lui recommander moi-même. Merlin, approchez. Et non, madame, je vous prie. Madame, souffrez qu'on la joue. Voulez-vous qu'une comédie décide de mon sort et que ma vie dépende de deux ou trois dialogues? Non, non, elle n'en dépendra pas. La comédie que vous nous destinez, elle vient d'autre. J'ai rassemblé tous nos acteurs, ils sont là, nous allons achever de la répéter si l'on veut. Qu'ils ont! En vérité, cela est inutile. Quoi du tout? Je ne présume pas quoi que l'on fasse que madame veut rompre l'engagement qu'elle a pris envers moi. La comédie se jouera quand on voudra, mais Eraste m'épousera, s'il vous plaît. Vous, madame? Avec vos 40 ans? Il n'en sera rien, s'il vous plaît, vous-même. Et je vous le dis tout franc, vous avez là un très mauvais procédé, madame. Vous êtes de nos amis, nous vous invitons au mariage de ma fille, et vous prétendez en faire le vôtre. Et il lui a enlevé son mari, malgré toute la répugnance qu'il en a lui-même. Car il vous refuse, et vous sentez bien qu'il ne gagnerait pas au change. En vérité, vous n'êtes pas concevable. À 40 ans, lutter contre vous. Vous rêvez, madame. Allons, Merlin, qu'on achète. J'ajoute 10 pistoles à ce qu'on vous a promis pour vous exciter à bien faire. Asseyons-nous, madame. Écoutons. Écoutons donc, puisque vous le voulez. Avant, Blaise, reprenons où nous en étions. Tu te plaignais de ce que j'aime Colette, et c'est dit-tu Lisette qui te l'a appris? Bon, qu'est-ce que tu voulais que je dise davantage? Vous plaît-il de continuer, Blaise? Non, notre mère m'a défendu de monter sur le théâtre. Et moi, je lui défends de vous en empêcher. Je vous sers de mère ici. C'est moi qui suis la vôtre. Et au par-dessus, on se raille de ma personne dans ce pestereux-là, notre maîtresse. Colette, il fait semblant d'avoir le cœur tendre pour Monsieur Merlin. Monsieur Merlin dit céder le sien et maugré la comédie, tout ça est vrai, notre maîtresse. Car ils font semblant de faire semblant rien que pour nous en revendre. Et ils ont tous deux la malice de s'aimer tout de bon, en dépit de Lisette qui n'entendrait qu'une dent. Et en dépit de moi qui suis pourtant tenu pour jeune de mon vieux père. Mais de putain, on a bien affaire de vos bêtises. Et vous, Merlin, de quoi vous avisez-vous d'aller faire une vérité d'une bouffonnerie? Laissez-lui sa Lisette et mettez-lui l'esprit en repos. Oui, mais je ne veux pas qu'il me laisse, moi. Je veux qu'il me garde. Qu'est-ce que ça signifie, petite fille? Retirez-vous, puisque vous n'êtes pas de cette scène-ci. Vous paraîtrez quand il sera temps. Continuez, vous autres. Allons, Blaise. Tu me reproches que j'aime Colette? Eh, pardi, est-ce que ce n'est pas vrai? Que veux-tu, mon enfant? Elle est si jolie que je n'ai pas pu m'en empêcher. Eh bien, madame Argante, ne la dis pas qu'il confesse lui-même. Qu'est-ce que ça te fait dès que ce n'est qu'une comédie? Je m'embarrasse pour qu'il pienne la farce. Quelle est une jambe? Et tout le monde avait. Encore? Quoi? On ne parviendra pas à vous faire continuer? Mais madame, laissez-le, ce pauvre garçon. Vous voyez bien que le dialogue n'est pas son fort. Son fort ou son faible, madame, je veux qu'il réponde ce qu'il sait et comme il pourra. Il braiera tant qu'on voudra, mais c'est là tout. Hé, hey, Paggy, faut bien braire quand on en est sujet. À quoi sert tout ce que vous faites là, madame? Quand on achèverait cette scène-ci, vous n'avez pas l'autre, car c'est moi qui dois la jouer et je n'en fais rien. Ouh, vous la jouerez, je vous assure. Ouh, nous verrons si on ne fera jouer la comédie, malgré moi. Voilà, madame, le contrat que vous m'avez demandé. On y a exactement suivi vos intentions. Faites comme si c'était le vôtre. Donnez. Ne voulez-vous pas bien honorer ce contrat-là de votre signature, madame? Et pour qui est-il donc, madame? C'est celui d'Eraste et le mien. Moi, signer votre contrat, madame? Oh, oh, je n'aurai pas cet honneur-là. Et vous aurez, s'il vous plaît, la bonté d'aller vous-même le signer ailleurs. Remportez cela, monsieur. Vous n'y songez pas, madame. On n'a pas de ces procédés-là. Jamais on n'en fait pareil. Il m'a paru que je ne pouvais marier mon neveu chez vous sans vous faire cette honnêteté-là, madame. Et je ne quitterai point que vous n'ayez signé, car vous signerez. Oh, il n'en sera rien, car je m'en vais. Vous resterez, le contrat ne saurait se passer de vous. Aidez-moi, madame, empêchons madame Argante de sortir. Tenez ferme, je ne céderai point non plus. Et où en sommes-nous donc, mesdames? Ne suis-je plus chez moi? Madame, à quoi pensez-vous? Je mourrai moi-même plutôt que signer. Vous signerez tout à l'heure. Et nous signerons tous. Apparemment que madame se donne ici la comédie, à défaut de celle qui lui a manqué. Vous avez raison. Je ne veux rien perdre. Accommodez-vous donc, mesdames, car d'autres affaires m'appellent ailleurs. Au reste, suivant toute apparence, ce contrat est à présent inutile et n'est plus conforme à vos intentions, puisque c'est celui qu'on a dressé hier et qu'il est au nom de Monsieur Eraste et de Mademoiselle Angélique. Est-il vrai? Oh, sur ce pied-là, ce n'est pas la peine de le refaire. Il faut le signer comme il est. Contente! J'ai donc deviné. Vous vous donniez la comédie et je suis prise pour dupe. Signons donc. Vous êtes toutes deux de méchantes personnes. Ah, je respire. Il aurait cru, il n'y a plus qu'à rire. Vous ne m'aimerez jamais tant que vous m'avez haï. C'est égal, mes 40 ans me restent sur le cœur. Je n'en ai cependant que 39 et demi. Je vous en aurais donné 100 dans ma colère. Et je vous conseille de vous plaindre après la scène que je viens de vous donner. Et le tout sans préjudice de la pièce de Merlin. Oh, je ne vous le disputerai plus. Je ne fais qu'en rire. Je soufflerai volontiers les acteurs si l'on pas chante. Vous voilà raccommodés, mais... Ma foi, veux-tu que je te dise? Nous nous régalions nous-mêmes dans ma parade pour jouir de toutes vos tendresses. Claire, la tienne est de bonne acabit. J'en suis pas content. Tout bon? Baigne-moi une petite Francis pour ma peine. Pour moi, je t'aime toujours. Mais tu me le feras, car je ne t'épouserai de 6 mois. Oh, je me fâcherai aussi. Va, va, abrège le terme et le réduis à 2 heures de temps. Allons, terminons. Les acteurs de bonne foi, comédie en un acte de Marivaux. Après un entracte de 25 minutes environ, vous entendrez la deuxième partie du spectacle classique de la comédie française Salle du Luxembourg avec Les femmes savantes, comédie en 5 actes en vers de Molière.